d'une trentaine d'années, est mort d'un arrêt cardiaque à la suite d'une piqûre de guêpe. Mais des témoins affirment, eux, qu'il avait un petit trou bleu foncé derrière une oreille. Exactement la trace que laisse une munition de petit calibre. C'est Barbie qui l'a assassiné ? Pas directement, non. Barbie était déjà à l'abri en Amérique du Sud, mais il n'a sans doute eu aucun mal pour trouver un homme de main capable d'exécuter ce contrat. À samedi prochain, pour un nouvel entretien consacré à Klaus Barbie, nous évoquerons longuement l'affaire Jean Moulin, mais aussi les activités du criminel en Amérique du Sud. Et je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, vous avez la possibilité de réécouter cette émission. À samedi prochain, je vous rappelle l'heure de rendez-vous avec X, c'est tous les samedis de 13h20 après le journal jusqu'à 14h. Encore des mots, toujours des mots. Parce qu'il est urgent d'économiser l'énergie, aujourd'hui on ne peut plus se contenter de... Climat se dérègle, il faut agir et tout de suite. On a bien isolé chez nous, hein. Je peux vous dire que c'est du confort l'hiver. Et pas besoin de clim l'été. Les économies d'énergie, c'est moins de gaz à effet de serre. Et plus d'argent économisé. Faisons vite, ça chauffe. Contactez l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et les conseillers Info Énergie au 0810 060 050, près d'un appel local. Cela avait commencé par quelques planches et un toit de branchage. Et puis... au fil des jours et des découvertes, il l'avait transformé en une sorte de palais baroque, une résidence des merveilles, confortable. Comme au salon des véhicules de loisirs. Avec les équipements et accessoires proposés, vous avez tout pour votre confort à vous. Électroménager, antenne, parabole, siège au vent, store, moustiquaire. Le salon des véhicules de loisirs, c'est du 25 septembre au 3 octobre, parc des expositions Paris-le-Bourget. Parking, accès bus, RER, navette gratuite. Salon des véhicules de loisirs, les loisirs, ça roule. Engageons-nous. Concert exceptionnel de Miossec, mercredi 29 septembre à 21h sur France Inter et depuis La Cigale à Paris. Miossec nous emmène dans son univers entouré de Kali, Jane Birkin et beaucoup d'autres surprises. Je m'en vais en croyant que tout est vrai. Une soirée musicale présentée par Bernard Lenoir en direct mercredi 29 septembre à 21h. Miossec, un artiste France Inter. Et sur France Inter, n'oubliez pas Le Monde selon WAM, présenté par Isabelle Giordano. C'est au De Mon Amour ouvrira le dossier des biocarburants et rencontrera en fin d'émission Yann Arthus-Bertrand. C'est au De Mon Amour avec Denis Chessou, c'est juste après le flash qui vous est présenté par Michel Khalifa. France Inter, il est 14h. Les obsèques de François Sagan auront lieu mardi après-midi dans le Lot à Sezac. Ce petit village est situé à quelques kilomètres de Carjac, la ville natale de la romancière. Françoise Sagan est morte hier à l'âge de 69 ans. Elle était hospitalisée depuis plusieurs jours à Honfleur. Au fil d'une trentaine de romans, de pièces de théâtre, de paroles, de chansons, elle aura construit l'image d'un écrivain entre talent et excès. Françoise Sagan avait connu des démêlés avec la justice pour usage de stupéfiants et pour des problèmes fiscaux. Les nombreux hommages saluent aujourd'hui un mythe et une figure éminente de la vie littéraire française. Le syndicat UNSA Police répond aujourd'hui aux critiques après l'intervention menée dans une école maternelle du Var. Son secrétaire général se dit scandalisé et indique que les policiers n'ont fait qu'appliquer les ordres du procureur de la République.